cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Fessé et châtiment, punir pour éduquer. En 1839, l'avocat et docteur en droit, mais aussi professeur suppléant à la faculté de Strasbourg, Prosper Eschbach, fait paraître un ouvrage consacré à la puissance paternelle. Oh, le beau sujet! Il explique que le droit d'éducation comprend le droit de correction. Le père peut soumettre l'enfant à des sensations plus ou moins douloureuses et le priver de sa liberté pendant un temps plus ou moins long. Des notions de sensations douloureuses, bel euphémisme, pour parler de coups, de fessées, d'humiliation. Il précise cependant que la faculté d'infliger des châtiments corporels à l'enfant n'est pas prise en compte par le législateur, qui ne veut pas intervenir pour en régler l'exercice. Il s'en est rapporté à la tendresse des pères et des mères. Dès lors, est-il possible de s'interroger, puisque le maître dans la classe est comme le roi dans ses états, comme le père dans son foyer, fait-il lui aussi preuve de tendresse au moment d'administrer un châtiment corporel ? Elisabeth Lucet, bonjour. Bonjour. Au moment de réfléchir à la punition, il y a cette notion de droit de correction. Le droit, c'est lourd comme mot. Il y a un droit, il y a presque aussi un devoir. C'est un jeu, les parents, les instituteurs, ceux qui dominent dans la société, se doivent de punir. Alors, quand on a entamé ce travail collectif, puisque c'est ce dont je vais parler aujourd'hui, je vais parler pour tout le monde, je serai le porte-voix de tous les auteurs du dictionnaire du fouet, de la fessée, corriger, punir. Effectivement, quand on cherche le droit de correction, on rencontre avant tout le devoir de correction, puisque celui qui a donc qui est le maître dans sa maisonnée, se doit de corriger ceux qui sont ses inférieurs, afin d'éviter les mauvais comportements et afin qu'ils soient redressés et aillent sur le droit chemin. Donc ce devoir, il est inscrit, il a une tradition scripturale, les proverbes incitent les pères et les mères et tout maître à corriger ses inférieurs pour leur permettre d'aller donc dans le droit chemin. Le maître, l'esclave, le mari, l'épouse, le père, l'enfant, l'instituteur, l'élève. Dictionnaire du fouet et de la fessée, corriger et punir, c'est l'ouvrage que vous dirigez, Elisabeth Lucet, avec Isabelle Poutrin, publié aux Presses universitaires de France, avec cette idée que vous soulignez tout de suite et qui est importante, ce n'est pas une histoire linéaire que celle du fouet et de la fessée. Nous ne quittons pas des sociétés barbares et violentes pour arriver dans des sociétés policées et non violentes. Oui, en fait, donc on a fait un dictionnaire parce qu'il s'agissait de faire se rencontrer en fait des historiens de l'éducation, de la famille, pardon, des pratiques religieuses, de la justice, qui ne dialoguent pas ensemble et qui n'avaient pas identifié cette thématique du droit de correction comme une thématique commune. Donc c'est un objet diffus qui est omniprésent dans nos représentations, dans les chansons, dans les contes pour enfants, avec cette idée que bien quand on s'écarte du droit chemin, il faut être corrigé. Mais c'est un objet qui n'avait pas été identifié en tant que tel par les chercheurs. Donc le but du dictionnaire, c'est de croiser ces approches par des entrées et de montrer, à la fois par des instruments, par des représentations, par des types de documents, comment les mécanismes de la correction, ces ressorts, ont des continuités entre la sphère de la maisonnée, la sphère de l'école et d'autres institutions qui s'inspirent du modèle de la maisonnée. Un dialogue dans ce dictionnaire, plus de 160 contributeurs, 248 entrées. Alors certaines sont étonnantes, il y a Lustucru, il y a Harry Potter, et puis après il y a celle que nous envisageons comme une logique, tout ce qui est collège, Martinet, Fessé. Tiens d'ailleurs, au moment de réfléchir à cette notion de correction, l'univers est large, les possibles sont immenses de la correction toute simple, qui peut être non violente, enfin elle est violente mais elle est verbale, non physique, à la correction extrêmement sévère, qui s'apparente à de la torture parfois. Oui, alors effectivement, le but est d'étudier les violences éducatives ordinaires, le syntagme VEO qui a été mis en exergue par la loi de 2019. Et ces violences, c'est à la fois des violences physiques, mais aussi les formes de contraintes psychologiques. Et ça va donc de la menace à la mise à l'écart, en passant par les coups, effectivement. Et les coups, ce que vise la loi qu'on a qualifiée d'antifessée, mais les juristes n'aiment pas beaucoup cette appellation, ça vise pas le geste de correction du parent exaspéré, ça vise le caractère répété de ces violences, le caractère systémique de ces violences au sein de la famille. La loi de 2019, c'est hier, cette loi de 2019, la loi qui est le produit d'une très longue histoire, de très longs débats autour de la fessée. D'ailleurs, avons-nous déjà vu une fessée ? Avez-vous jamais vu une fessée ? Je veux dire vraiment vu. Rarement, j'en suis sûr. Quand on vous en donne une, vous lui tournez généralement le dos. Et comme vous n'avez pas Dieu derrière la tête, vous pouvez la sentir, ça oui, mais vous ne pouvez pas la voir. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage, car il n'y a rien de plus charmant, ni de plus gracieux, ni de plus joli qu'une fessée. Imaginez une sorte d'oiseau, ou mieux encore de gros papillons, qui au lieu d'ailes aurait une paire de mains charnues, toujours en mouvement, tremblantes et battantes. Et grâce à cette paire de mains, la fessée vole de ci, de là, d'un vol hésitant, incertain, toujours à la recherche d'un petit derrière où se poser. Le marchand de fessée, c'est Pierre Gripari, écrivain, qui parle de la fessée dans Les Contes de la folie mérite court, un ouvrage de 1983. Elisabeth Lucet, la fessée est omniprésente, elle est partout, dans des textes littéraires, dans des expressions, vous nous l'avez dit. Alors là, le bon sens est présent et aussi sous le regard de la loi. Cette fessée est extrêmement polymorphe, elle veut tout dire. Et c'est là aussi où, au moment de travailler sur un sujet aussi complexe, le fouet, la fessée, dictionnaire du fouet et de la fessée, il faut définir ces mots. La fessée est complexe, hein, parce qu'elle peut être séduisante aussi. Alors, la fessée, c'est un peu le plus petit dénominateur commun du droit de correction. C'est tout le monde a reçu une fessée ou une gifle dans sa vie. Et donc, la fessée, ça désigne donc l'acte de violence qui vise donc les fesses, mais qui peut être pratiqué avec la main, mais aussi avec un instrument. Hein, dans le dictionnaire de Furtière, on ne dit pas avec quel instrument est infligée la fessée. Hein. Donc ça vise les parties basses du corps, hein, avec un rapport avec la génitalité. Ça vise une partie charnue du corps, avec l'idée que la fessée peut infliger la douleur sans blesser, léser le corps, hein, puisqu'on on frappe une partie molle du corps et non pas le visage ou les parties osseuses ou les organes qui peuvent être blessés. Et en même temps, cette fessée, hein, qui vole dans l'extrait qu'on a entendu, elle manifeste un rapport de domination. Alors que la gifle peut se faire en face à face et on peut retourner une gifle, la fessée, on ne peut pas tellement la retourner puisque celui qui la reçoit est en position de subordination par rapport à celui ou celle qui lui donne la fessée. Une histoire qui est celle de l'éducation, de pratiques éducatives extrêmement contestées. Ça, il faut le rappeler depuis très longtemps. Nous parlons de la loi de 2019 qui évoque cela. Mais en fait, c'est une très longue histoire de la condamnation de la fessée et une histoire sociale. Emmanuel Chaperon est avec nous dans le cours de l'histoire sur France Culture. Bonjour. Bonjour. Au moment de penser la fessée comme moyen éducatif, comme réaction de celui qui enseigne, il est nécessaire d'avoir un regard beaucoup plus large. Ce qui se passe dans la salle de classe est le miroir de ce qui se passe à la maison, voire dans l'ensemble de la société. Oui, absolument. Alors pendant toute la longue période qui est étudiée dans ce dictionnaire, on a essayé de suivre à la fois cette circulation des pratiques entre l'espace domestique et l'espace scolaire, avec des continuités. Hein. Par exemple, quand on prend l'exemple de Jules Vallès dans le roman L'Enfant, on voit bien que cet enfant est soumis à une sorte de continuum de violence entre les fessées maternelles et ce qu'il retrouve ensuite dans son lycée sous la férule de son propre père qui est son enseignant. Mais il faut aussi pointer toutes les discontinuités et les écarts qui se creusent de plus en plus entre les expériences que les enfants connaissent chez eux, dans des familles qui peuvent avoir été éclairées par la pensée rousseauiste à partir de la fin du XVIIIe siècle et qui vont pratiquer d'autres types de punitions. Est-ce que les enfants continuent à vivre dans les écoles, écoles primaires ou écoles secondaires, où ils restent soumis au moins jusqu'à la fin du XIXe siècle à ce qu'on appelle un ancien régime disciplinaire dans lequel la fessée n'est pas l'alpha et l'oméga, mais en tout cas, puisque les châtiments corporels ont quand même été interdits en 1803, mais où les gifles peuvent partir assez spontanément et où d'autres formes d'ailleurs de punition tout aussi dures comme le cachot se sont installées assez durablement jusqu'à la fin du 19e siècle. Emmanuel Chaperon, vous êtes professeur d'histoire moderne à Aix-Marseille Université. Vous travaillez aussi à l'école pratique des hautes études et dans votre réflexion, là en l'occurrence autour de la fessée, mais vous avez une lecture beaucoup plus large de ces phénomènes de société. Nous touchons ici, avec la fessée, quelque chose de particulier, mais qui se retrouve partout. Vous avez évoqué Jules Vallès, dans la littérature, de manière directe ou moins directe, au moment d'évoquer son expérience scolaire, très souvent, il y a la mention du coup de la fessée. Oui, c'est un des points sur lesquels s'est accrochée la légende noire qui entoure les communautés enseignantes religieuses, les jésuites, les frères des écoles chrétiennes pour le niveau élémentaire, donc pour les jeunes garçons des milieux urbains. C'est devenu un lieu commun à la fois dans les souvenirs d'enfance, dans les souvenirs de jeunesse, hein, où on évoque avec l'ennui du collège, donc là aussi un grand lieu commun, ces coups qui partent. Et il y a une formule de Victor Hugo qui me semble qui est celle de la patte d'où sort la gifle, alors plutôt associée ensuite à la figure du pion, du maître d'études qu'à celle du professeur. Donc un lieu commun des souvenirs de jeunesse et aussi un des points, je le disais, autour desquels s'accroche la légende noire de ces communautés, toutes sortes de pamphlets, de caricatures, de chansons qui caricaturent ces pères fouetteurs. Production qui se ravive à intervalles réguliers au moment où on cherche à réduire la présence de ces communautés dans le champ éducatif. Donc au moment de l'expulsion des jésuites, dans les années 1820, à nouveau dans les années 1870-1880. Donc on a on parlait tout à l'heure d'histoire non linéaire, on a une histoire avec des sursauts qui est à la fois scandée par une sorte de base continue qui serait les souvenirs d'enfance et puis ces flambées de représentations de la fessée à l'école à partir de ces crises scolaires. Et le mot a été prononcé, celui de jésuite. Claudine Chanaise, vous nous parlez, je crois, de Jean Forton, auteur de L'épingle du jeu chez Gallimard. Aux éditions Gallimard. Eh bien, il s'agit essentiellement de l'éducation des adolescents, mais d'une éducation terrible, dans un milieu terrible, car le livre est d'abord une satire féroce de l'éducation chez les pères jésuites dans une ville de province. On croit lire parfois du Dickens, et la vie de ces enfants ou de ces jeunes gens, enrégimentés, giflés, brimés par principe, soumis à des fouilles physiques et morales humiliantes, privés de nourriture matérielle et même, paraît-il, intellectuelle, eh bien, cette vie, il faut le dire, paraît incroyable au XXe siècle. Pourtant, Forton a l'air de parler de quelque chose qu'il connaît bien. Il ne dissimule pas, d'ailleurs, l'esprit de grandeur des austères religieux qui n'ont que le tort capital, il est vrai, de montrer à l'enfance une dureté inhumaine et d'exiger d'être, après tout, né pour la liberté, une obéissance périndée à cadaver, selon la devise des jésuites. En 1960, dans Interactualité, des questions du roman L'épingle du jeu de Jean Forton, un roman qui évoque alors ce collège jésuite à Bordeaux. Ça ne rigole pas chez les jésuites, Elisabeth Lucet. Dès qu'il est question de punir à l'école, les jésuites apparaissent très vite. Alors là, il y a, je ne sais pas, une réalité ou une mythologie autour de cet ordre religieux. Alors, les jésuites donc font partie donc de ces communautés religieuses qui prennent en charge l'enseignement des enfants et des garçons sous l'Ancien Régime, avec Emmanuel Chaperon en parlait, les frères des écoles chrétiennes et d'autres, les oratoriens. Et donc, chez les jésuites, comme dans tous ces ordres religieux, il faut bien comprendre que les châtiments corporels qui sont infligés aux enfants s'inscrivent dans un contexte plus large où donc la théologie jésuite légitime l'usage des châtiments corporels à l'endroit des enfants, à l'endroit des femmes. Donc les maris se doivent de corriger leurs femmes, les maîtres, leurs domestiques ou leurs esclaves. Et les jésuites eux-mêmes recourent au châtiment corporel, puisque dans ces communautés religieuses, la pratique de la flagellation est fréquente et de l'autoflagellation, alors à des fins punitives, lorsqu'on commet une faute, mais aussi à des fins pénitentielles. Et donc, les jésuites, ensuite, et les congrégations enseignantes importent des pratiques et des techniques disciplinaires qu'elles expérimentent depuis le Moyen-Âge. Alors, pas les jésuites, parce c'est un ordre nouveau du XVIe siècle, mais ce sont des pratiques disciplinaires anciennes, décrites par les règles monastiques, qui sont importées ensuite dans l'univers scolaire. Et alors, pour ce qui est donc de la réalité des pratiques et de la norme, dans la norme, le recours au châtiment corporel, c'est en cas d'excès grave, donc on doit recourir plutôt à d'autres formes de châtiment, comme le pensum. Et cette correction corporelle, elle est très encadrée dans les règlements des communautés. Et ce qui est intéressant, c'est le regard que porte la société sur ces pratiques, puisque juste après l'expulsion des jésuites en 1763, paraît un pamphlet qui s'appelle « Mémoire historique de l'orbilianisme », donc un néologisme formé à partir de Orbilius, le pédagogue d'Horace, qui serait friand de coups et qui en tirerait du plaisir. Et ce pamphlet, il s'ouvre sur une gravure où l'on voit donc le régent d'un collège jésuite, du haut de sa chaire, ordonner la correction d'un élève qui a les fesses déculottées et qui est tenu donc par un personnage qu'on appelle le teneur contre une chaise et corrigé par donc un correcteur, mais qu'on appelle aussi les frères fouetteurs. Et donc, c'est accompagné d'un petit texte qui explique que le jésuite prend plaisir à corriger les élèves. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer comment, en fait, ce dispositif, on le retrouve ailleurs que chez les jésuites, il s'agit de corriger, non pas au vu et au su de tous, mais de retirer l'élève indiscipliné, et surtout, il s'agit de médiatiser le geste correcteur. Ce n'est pas le maître, ce n'est pas le principal, il encadre la correction, mais il est intéressant de voir que le correcteur, le frère fouetteur, est recruté parmi les domestiques, ou c'est un des élèves, qui va endosser et qui va toucher le corps, non pas avec sa main. Il y a aussi un refus de il y a une pudeur, un refus de la nudité ou un encadrement de la nudité. C'est-à-dire qu'on a un paradoxe entre la volonté de châtier le corps nu et en même temps la bienséance fait qu'on le fait de façon retirée. Et donc, ce correcteur inflige les coups avec un martinet. Et puis ensuite, Emmanuel Chaperon l'a mentionné. Donc, ces caricatures, elles ont une dimension politique. Il s'agit en fait de fustiger la puissance des jésuites, une puissance non pas simplement scolaire, mais une puissance politique. C'est pour ça que ça rejaillit. Au moment de l'expulsion des jésuites au XVIIIe siècle, et puis ensuite au moment du retour des jésuites dans les années 1830. Elisabeth Lucet, vous êtes chargée de recherche au CNRS. Vous travaillez sur les ordres religieux, la justice au Moyen-Âge. C'est pour ça que ce petit clin d'œil médiéval était nécessaire. Et puis là, vous dirigez avec Isabelle Poutrin le dictionnaire du fouet et de la fessée. Juste cette histoire que nous évoquons avec les jésuites, c'est le XVIe siècle, vous l'avez rappelé, Inès de Loyola. Mais cette histoire est très longue, c'est-à-dire que nous avons ici une réflexion qui est presque théorisée autour du droit de correction, autour de la fessée. Il y a des anthologies, il y a des sources, il y a beaucoup de textes autour de la correction. Ce n'est pas une évidence au sens où l'on écrit beaucoup dessus. Il faut en parler. Alors, les anthologies de la correction, c'est un genre littéraire qui fait florès au XIXe siècle. Vous avez, on n'est pas le premier recueil sur l'histoire de la fessée, mais c'est toujours sous la forme d'un catalogue qui vise à la fois à se rassurer sur le fait que on aurait un progrès, on irait donc des temps barbares et brutaux où le poncif, c'est le pater familias romain qui aurait puissance de vie et de mort sur les membres de la maisonnée, au récit d'un droit brutal et barbare qui serait encadré par l'État. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette histoire du droit de correction, entre guillemets, elle est le corollaire, elle chemine en parallèle avec la violence et l'encadrement de la violence par les institutions et l'autorité publique. Donc, si on doit faire un fil, c'est cela. Et donc, il existe il a existé plein d'anthologies de la fessée, mais elles sont souvent à la fois, elles ont une vision linéaire et progressiste, parfois un peu de nostalgie en expliquant que bon, en gros, avant c'était mieux parce que on corrigeait mieux les enfants. Et puis il y a aussi une dimension érotique hein, qui est liée aussi à toute la vogue de la littérature de flagellation au XIXe siècle, hein, où les scènes de sévices ne sont plus simplement un épisode comme chez Sade, mais où ça devient la raison d'être de cette littérature, qui a été ensuite saisie. Et puis donc c'est pour ça qu'on a une armoire de la flagellation à la BNF, avec donc des 500 titres. C'est des entreprises éditoriales qui font vendre et où on raconte ces sévices à des fins d'amusement et aussi d'érotisme. Avec beaucoup de voyeurisme hein, dans voilà. Ces publications. Emmanuel Chaperon, dans cette histoire de l'édition liée à la fessée, du discours qui se construit autour de la fessée, là aussi l'historienne ne manque pas de sources, mais ces sources sont extrêmement diverses. Et c'est d'ailleurs très étonnant hein, de voir que le législateur s'empare de la fessée avec une argumentation très codifiée. Et puis après, nous sommes dans l'intime, dans l'évocation du souvenir de jeunesse. C'est au milieu de cela que vous devez tracer votre chemin. Oui, et on a déjà évoqué un certain nombre de sources qui permettent d'écrire cette histoire, que sont les publications, les chansons, les caricatures, etc. Mais il y a aussi une source dont on n'a pas encore parlé et qui est essentielle pour l'historien, ce sont les archives judiciaires ou infrajudiciaires, c'est-à-dire toutes les moments où les parents, effrayés de voir revenir leur enfant avec les fesses très abîmées ou un lambeau d'oreille, etc., prennent les devants et vont se plaindre auprès des autorités ecclésiastiques, s'il s'agit de communautés religieuses, ou auprès du proviseur, pour faire valoir leurs droits. Donc dans ces plaintes, dans ces dépositions, on trouve beaucoup d'éléments qui à la fois témoignent de la réalité de cette violence dans le milieu scolaire, et puis des formes qu'elle prend, soit des formes encore très codifiées qui respectent la lettre des règlements chez les jésuites ou chez les pères des écoles, ou alors des formes beaucoup plus spontanées, beaucoup plus violentes qui sortent du cadre, et ce sont celles-là que l'on cherche à réprimer et à supprimer dans les établissements. Et je rebondis sur ce que disait Elisabeth Lucet tout à l'heure sur la circulation de cette symbolique de la violence ou des formes qu'elle prend. J'ai le souvenir d'un dossier qui concerne le collège de Lille, qui était après les jésuites, hein, donc c'est le collège est revenu à une direction séculière, et le proviseur est un personnage sinistre dont les pratiques de violence ont quasiment vidé l'internat tellement l'établissement avait mauvaise réputation. Donc le bureau d'administration de ce collège fait déposer les enfants qui ont été victimes de ces violences, et l'un d'eux explique que le proviseur le fouettait avec un bouquet d'épines, et qu'ensuite il le lavait et il pommadait ses plaies en lui disant que le bon Dieu avait souffert pour nous. Et là on a évidemment une mise en récit par cet enfant de ce qu'il vivait, mais l'historien ne peut s'empêcher de faire le lien avec ses pratiques de flagellation, de pénitence. Donc on n'est plus chez les jésuites, mais on voit comment ces formes de violence circulent. Et ces formes de violence ressemblent parfois à de la torture. Il faut dire que certains instituteurs, certaines institutrices vont trop loin. Je m'appelle Mathilda. Lavande. Et moi, Hortensia. Bonjour. Elle se sert pas de sa cravache pour frapper les enfants, c'est pas vrai. Collé. Non, c'est pour nous effrayer. Mais elle fait des trucs plus atroces. Tu sais quoi, hier, avec les CE1, cette peau de vache passe une fois par semaine à inspecter les classes pour faire voir aux astites comment il faut s'y prendre avec les enfants. Et Julius Roswinkel a mangé 2 M&M's pendant la classe. Elle l'a vu? Bien sûr. Julius s'en est sorti. Après avoir été jeté par la fenêtre, tu crois qu'il pouvait s'en sortir? Il a survécu, je dirais plutôt. Mademoiselle Legourdin a fait les Jeux Olympiques. Lancer de poids, javelot, lancer de marteau. Le marteau, c'est sa spécialité. Ça lui prend souvent de lancer les enfants? C'est mieux que d'être enfermé dans l'étouffoir. L'étouffoir? Oui, l'étouffoir. C'est un grand trou étroit dans le mur derrière une porte. Il faut rester debout dans un tuyau humide, au bord tranchant, et les parois sont recouvertes de fer cassé et de clous. Entre là-dedans, espèce de boule de pu! Elle y met des enfants? J'y suis allée deux fois. Parfois, elle te laisse dedans toute la journée. Ah oui, ça ne rigole pas du tout. C'est un extrait du film Mathilda de Danny DeVito en 1996. Elisabeth Lucet, le moment où il est question des sévices corporels, des coups donnés à l'école, eh bien, c'est le trop. C'est quand cela dépasse une limite. Nous pouvons dire qu'en fait, c'est globalement admis, même si cela est condamné. En fait, l'historienne voit surtout le moment où l'enseignant a été trop loin et où l'élève et les parents se plaignent. Alors, il faut savoir que d'emblée, la question de l'exercice du droit de correction, qu'on soit à l'école ou dans la maison, on pense le droit de correction en rapport avec ses abus et ses excès. C'est-à-dire que le droit de correction, la grande difficulté, c'est que le père, le maître, a le droit de corriger ceux qui sont placés sous son autorité, à condition d'être raisonnable. Le problème, c'est que cette question du raisonnable et du seuil au-delà duquel on est dans l'excès n'est jamais défini de façon très très précise, mais l'excès, ça va être l'effusion de sang, ça va être l'utilisation de certains types d'objets, ça va être le lieu où a lieu cette correction. Et donc effectivement, pendant longtemps, ce qu'on saisit, c'est l'excès de correction. Ce sont les plaintes, et donc Emmanuel Chaperon mentionnait les archives judiciaires, mais dès le Moyen-Âge, vous avez effectivement la puissance publique, les autorités, l'autorité seigneuriale, reçoit certaines plaintes en cas d'excès. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. Non, mais la plainte est là en cas d'excès, mais il y a toujours un argumentaire autour de cela. C'est-à-dire que la discussion se construit même au moment où il y a une plainte. Le juge écoute le directeur de l'école qui va expliquer la raison et la fessée peut être admise. C'est ça qui est extrêmement compliqué parce que Elisabeth Lucet, il faut le dire que depuis, alors on pourrait donner des dates, mais 1803, il y a une première réflexion sur l'interdiction. La loi Guizot en 1833, c'est une nouvelle interdiction et malgré cela, les pratiques continuent et peuvent être admises. Mmh. Oui, effectivement. Alors, dans le cadre de l'école, effectivement, on a une interdiction des châtiments corporels, mais ce que montrent certaines entrées du dictionnaire, c'est justement en étudiant la jurisprudence très actuelle, en fait, donc la façon dont les punitions scolaires peuvent passer devant les tribunaux, c'est que il y a la persistance de certaines pratiques, et quand on parle avec les gens, tout le monde a un souvenir de châtiments infligés par un enseignant. Et effectivement, persiste l'idée qu'existerait un droit de correction alors que celui-ci n'est absolument pas fondé en droit. Et certaines juridictions peuvent parfois reconnaître le bien fondé d'une punition violente en cas notamment de légitime défense. Il y a des arrêtés qui ont été rendus. Donc voilà, ce qui est difficile, voilà, c'est effectivement à la fois ces châtiments sont proscrits et en même temps, ils continuent de subsister à des fins de maintien de l'ordre et avec l'idée que l'autorité doit s'inculquer aussi par la violence. Emmanuel Chaperon, l'idée aussi que, eh bien, l'enfant a besoin de cela. Comment dire cela autrement? Il n'est pas imaginable une éducation sans punition dans une société où la punition est partout. Oui, c'est sûr qu'il est très difficile de penser une éducation sans punition, au moins jusqu'au milieu du XXe siècle, puisque la punition est considérée comme un moment au cours duquel l'enfant va expier la faute qu'il a faite, donc une punition considérée comme pénitence et une punition aussi considérée comme correction, donc à la fois tournée vers le passé et vers l'avenir. Cela dit, tout au long de la période qui nous intéresse, si on reprend simplement l'époque moderne et le début de l'époque contemporaine, il y a eu des humanistes, des pédagogues, des professeurs, des fondateurs d'ordre enseignants, et puis des auteurs de lumière qui ont constamment cherché à définir à minima l'espace de la punition. Toute une réflexion sur l'âge auquel la punition est utile ou absolument contre-productive. On s'accorde sur le fait que un enfant qui n'est pas en état de comprendre sa faute et de comprendre la punition sera un enfant sur lequel la punition sera contre-productive. Le fait qu'il va mieux éviter de punir un enfant pour des choses qui sont indifférentes. Voilà. Et puis, tout ce qui permet d'éviter la punition. C'est là-dessus que porte l'essentiel de la réflexion pédagogique, à la fois dans l'espace domestique et dans l'espace scolaire. C'est qu'il faut pouvoir... La meilleure discipline est la discipline préventive. La discipline préventive pour éviter des scènes absolument monstrueuses. À l'école, c'est une chose, mais parfois aussi à la maison. Tu peux pas répondre à ta mère, dis ? Ah oui, quoi. C'est à cette heure-là que je rentre. Mais d'où tu viens ? D'abord, boutonne ta veste, puis ta chemise. T'appelles ça boutonner, toi? Il touche pas, t'abîmes toujours tout avec tes grosses pattes. Pourquoi ça m'a resté dans la main, c'est pas vrai? Oh, comme l'assiette de ce matin, puis la chaise d'hier. Puisque je te dis que je le fais pas exprès. Tu es trop de force, puis la toux. Mais fais-moi toujours un raccommodé, un rafistolé, c'est pas une vie quand même. Oh, puis vous en gueulez pas, quoi. Il était déchiré avant. Je vous préviens, hein, j'ai aussi bousillé mes boutonnières. Ces boutonnières? D'ailleurs, ça aurait pu à rien, j'ai plus de boutons non plus. Très bon Dieu de vin, Dieu de bon Dieu de cochon. Comment tu t'es foutu dans un état pareil, dis? Je dis rien. Espèce de tête de mouche, tu comprends tu parler, dis-moi tu parler, dis. On fait pas tant d'histoire, quoi, je sais bien que je mérite une trempe, alors vas-y, puis ce sera marre. Et il le demande. Le petit salope de brisage de croiser le coup du sel, tu sais. Non. Va voir un peu mon famille. Tiens-toi, gêne-toi. Dis-lui seulement qu'on l'enverra tout nu à l'école demain pour l'apprendre. Tiens-toi, c'est quand même pas un homme. Dis-lui qu'on l'enverra tout nu à l'école. Tout nu qu'on l'enverra. On le verra tout nu à l'école. C'est La guerre des boutons, le film d'Yves Robert en 1960, d'après le roman de Louis Pergaud. C'est très intéressant ce film, parce que nous avons un autre aspect de la violence qui apparaît ici, c'est la violence domestique, qui est identifié par l'instituteur. Parce que nous parlons de la violence des instituteurs dont les parents se plaignent. Elisabeth Lucet, il y a aussi l'autre mouvement. Oui, effectivement, à partir du 19e siècle, on passe d'un grand mouvement où l'enfant délinquant est d'abord perçu comme un criminel en puissance. Et donc, l'enfant maltraité qui fuit sa maison tombe sous le coup du délit de vagabondage et doit être enfermé pour être corrigé par les institutions. À la fin du 19e siècle, on voit progresser l'idée d'une enfance non pas dont il faut se protéger, mais à protéger. Les institutions publiques, notamment l'assistance publique, puis ensuite l'aide sociale à l'enfance, de concert avec les travailleurs sociaux, les institutions éducatives, vont progressivement donc mettre en place des mécanismes pour protéger les enfants avec des mécanismes de signalement de la part des personnels scolaires auprès des institutions pour protéger ces enfants. Voilà, parce qu'il faut souligner hein, dans l'histoire combien les instituteurs, les institutrices ont été essentiels pour identifier toutes ces questions. Et dans le petit extrait de La guerre des boutons que nous venons d'entendre, la maman dit « ce n'est pas un homme, c'est pas encore un homme ». Emmanuel Chaperon, il est aussi question dans cette histoire de la correction, de la représentation de l'enfant. Qui est l'enfant? Est-ce un adulte en devenir ou est-ce une entité en tant que telle, un enfant, un élément particulier de la société? Oui, vous avez raison. Cette représentation de l'enfance, elle est cardinale dans la manière dont on pense les formes et les objectifs de la punition. À très très grands traits, on passe d'une représentation de l'enfant comme un être inachevé et imparfait, un peu tordu, qu'il faudrait redresser en le corrigeant, à une autre représentation qui est inspirée par Rousseau, mais Rousseau n'est vraiment pas le seul ni le premier à l'avoir pensé, qui est l'enfant comme un être en devenir qu'il faut accompagner du mieux possible dans le développement de son cœur, de sa raison, dans ses spécificités d'enfant, avec des formes de punition qui seraient plus réflexives et moins mécanique. Donc encourager chez l'enfant la prise de conscience de ses fautes et puis jouer sur la corde sentimentale. Donc on le voit très bien dans les éducations domestiques à partir de la fin du XVIIIe siècle où la construction de la famille sentimentale donne aux parents d'autres leviers pour punir l'enfant, qui sont par exemple l'expression d'une froideur maternelle ou la privation du petit temps que les parents avaient l'habitude de passer avec les enfants. Et voilà, ça change tout à fait l'atmosphère dans les familles et ça se répercute aussi sur la manière dont les parents envisagent les punitions scolaires, puisqu'il y a un hiatus de plus en plus grand dans certaines familles entre ce que les enfants vivent chez eux et ce qu'ils vivent à l'école, parce qu'on a cette disjonction entre des représentations de l'enfance qui évolue différemment dans les deux sphères. Et d'ailleurs, cela montre une évolution du regard porté par certaines œuvres littéraires, Poil de carotte, Vipère au poing, où la violence sur l'enfant, alors qu'elle soit physique ou verbale, est dénoncée et choque. Autrement dit, Vipère au poing reflète la période où l'ouvrage est écrit, et il n'aurait pas pu être écrit avant, parce que ça n'aurait sans doute pas choqué. Oui, mais ces représentations de parents extrêmement maltraitants, on en trouve un petit peu avant. Donc, je citais Jules Vallès. On pense aussi à la comtesse de Ségur avec ses figures de marâtres ou de mères qui sont très froides et qui infligent à des enfants des carences affectives très très fortes. Alors cette question de l'enfant dans la littérature, il faut peut-être distinguer une littérature destinée aux enfants et une littérature destinée aux adultes, puisque Poil de carotte a été écrit pour les adultes. Maintenant, tous les enfants le lisent d'une manière un petit peu accompagnée, mais il a été avant tout écrit par des adultes. Enfin, par un adulte pour des adultes. Si l'on reprend la question de la représentation des châtiments infligés aux enfants dans la littérature pour les enfants cette fois, il faut remonter au milieu du XVIIIe siècle avec l'éclosion d'une littérature à la fois récréative et morale, dans laquelle sont représentées d'une manière assez classique l'opposition entre le bon enfant et le mauvais enfant, ou alors le bon enfant qui fait des bêtises mais qui saura en prendre compte pour s'améliorer. Et dans cette littérature un petit peu moralisatrice, hein, qu'on a appelée ensuite les Berquinades au XIXe siècle du nom d'Arnaud Berquin, un des premiers auteurs du XVIIIe siècle qui s'y est lancé, la figure parentale est très plate, elle est très lisse. Hein. Ce sont des parents qui sont plutôt des parents des Lumières, qui vont prendre du temps pour dialoguer avec l'enfant, pour lui expliquer ses fautes et puis lui faire comprendre qu'il se punit lui-même lorsqu'il fait des bêtises. La nouveauté, c'est peut-être au XIXe siècle l'apparition de cette figure du mauvais parent qu'on retrouve décliné sous différentes formes dans les romans de la comtesse de Ségur, avec, donc, je le disais, soit le parent très violent, soit le parent très laxiste, qui est une autre forme de mauvais comportement parental tel qu'il est épinglé par l'autrice, des parents froids, etc. Alors, on a souvent dit que la comtesse de Ségur avait pu faire la leçon aux parents comme aux enfants, parce qu'elle se mettait dans qu'elle écrivait de son point de vue de grand-mère, donc elle avait en face d'elle les deux générations. Mais c'est un des apports de cette production romanesque que de montrer cet éventail de mauvais traitements domestiques. Voilà. Et puis certains noms sont devenus des mots courants, les Thénardier, hein, les Thénardier chez Hugo dans Les Misérables. Voilà, on dit, ah, c'est un Thénardier, c'est quelqu'un de monstrueux. Elisabeth Lucet, dans ces personnes monstrueuses, eh bien, il y a une lecture à faire, Dictionnaire du fouet et de la fessée, entre les enfants qui sont corrigés, mais également, et c'est là où tout devient surprenant, les femmes, nous l'entendons bien, et les animaux. C'est très intéressant de voir cette évolution sur la réflexion apportée au moment de corriger le dominé, eh bien, qui est à peu près similaire, avec une chronologie légèrement différente entre femmes, enfants, animaux. Alors oui, ce qu'on constate, c'est que sous la Révolution, on a la mise à bas des hiérarchies entre les hommes et les femmes, entre les esclaves et les citoyens, et l'idée d'une commune humanité qui va jusqu'à englober les animaux. Et ce qui est intéressant au XIXe siècle, c'est que l'on observe comment les lois qui visent à interdire les mauvais traitements envers les animaux, notamment la loi Gramont de 1850, sont portées par des groupes de députés qui vont aussi, comme Victor Schœlcher, militer pour l'abolition de l'esclavage, vont s'engager pour le droit des femmes et le droit des enfants. Et donc on observe comment ces lois, elles cheminent, alors selon une chronologie différenciée, mais elles cheminent ensemble. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1898, quand on réprime la maltraitance et les actes de torture envers les enfants, eh bien quelques mois plus tard, on amende la loi Gramont qui interdisait donc les mauvais traitements des animaux en public. On enlève le « en public », sachant que la loi, elle vise, il ne s'agit pas simplement que de protéger ceux qui seraient soumis à la suggestion du maître et du pater familias. Il s'agit aussi de discipliner les classes sociales. Et donc, il n'est pas anodin, notamment, que dans la littérature du 19e siècle, ceux qui battent le plus férocement leurs enfants, ce sont les classes sociales, les classes populaires, la Thénardier, ce sont ces gens qu'il faudrait éduquer en évitant, en contenant leur violence, à la fois sur les animaux, c'est la figure du charretier brutal qui jure, qui frappe son cheval ou son âne et qui va ensuite frapper sa femme et ses enfants, qu'on oppose au bon cocher qui use de modération avec le fouet et qui va être un bon ouvrier et qui va bien traiter ses enfants et sa femme. Mais c'est aussi l'idée que voilà, ces classes populaires, le spectacle de la violence les accoutume au sang. On est au 19e siècle, un siècle de révolution et où les élites sociales ont peur de ces émotions populaires. Et donc on va rentrer par le biais de ce droit de correction qu'on encadre pour discipliner ces classes sociales. Encadrer le droit de correction, mais un droit de correction qui est intégré par les individus eux-mêmes, alors qu'ils soient frappeurs ou qu'ils reçoivent les fessées. Quand t'es pas sage, qu'est-ce qu'on te fait ? On te donne une fessée ? Non, on me fait une punition. C'est-à-dire ? Je suis privée de télé ou privée de dessert. On me donne une fessée. C'est vrai ? Oui. Qui te donne une fessée ? Maman. Et tu acceptes ça facilement ? Non, pas toujours. Quand tu auras des enfants, qu'est-ce que tu leur feras, toi ? Je leur donnerai des fessées. Tu aimerais pas qu'on te donne une fessée ? Non. Hein ? Non. Quand tes parents sont durs avec toi, tu trouves qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort ? Bah ça dépend, des fois je trouve qu'ils ont tort, des fois je trouve qu'ils ont raison. Bah, on me donne des fessées. Tu es contre ou pour la fessée, toi ? Contre. Contre ? Tu pleures quand on te donne des fessées ? J'essaye de pas pleurer. Est-ce que tu penses que tes parents ont raison ou qu'ils ont tort quand tu te donnes des fessées ? Ouais. Qu'ils ont tort. Bon, oui, ils ont tort, les enfants, à propos de la fessée dans l'émission Aujourd'hui Madame en 1971. Emmanuel Chaperon, au moment d'évoquer la condamnation de coups, du châtiment corporel, là aussi, nous avons des chronologies extrêmement différentes. Nous l'entendons ici et nous savons qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. La fessée est admise pour certains. En fait, c'est une histoire de l'excès du châtiment corporel qui s'écrit quand il s'agit de réfléchir à corriger et punir. Oui, absolument. On le voit bien dans les affaires de dénonciation de ces violences de la part des parents, que ça soit à la fin du XVIIIe siècle ou à la fin du XIXe siècle, on a des dossiers assez nourris. Les parents se plaignent des excès et on voit à ce propos tout l'éventail de leur réaction lorsqu'un enfant revient de l'école en disant j'ai reçu une gifle, on m'a tapé sur les doigts, etc. Certains sont très jusqu'au boutistes et vont essayer de voilà, soit de retirer leur enfant, soit de se plaindre pour faire écarter le mauvais maître, mais d'autres ne veulent pas nuire au maître et considèrent que, ma foi, les classes étant si surpeuplées, personne ne peut maintenir l'ordre dans une classe sans taper un petit peu sur une tête, ou donner un petit coup. Et puis on a aussi le cas des mères qui sont visiblement un petit peu dépassées parce qu'elles disent que le maître a tapé leur enfant, mais que ça pourrait très bien être le père, et on voit le père de famille, et que ces enfants circulent dans un continuum de violence dont il est difficile de faire la part. Un continuum de violence, et au moment d'écrire ce dictionnaire du fouet et de la fessée, corriger et punir, un ouvrage que vous avez co-dirigé Elisabeth Lucet avec Isabelle Poutrin, il y a un clin d'œil évident à Michel Foucault, surveiller et punir. Vous avez sous-titré votre dictionnaire, corriger et punir. Je ne vais pas dire que c'est la continuité de la réflexion de Foucault, mais nous sommes dans cette même veine, parce que dans la correction, il y a la prison, le cachot dans les lycées. Alors effectivement, à partir du 19e, hein, la distinction entre sphère publique et sphère privée devient difficile à évaluer, puisque les institutions, mais c'est le cas aussi sous l'Ancien Régime, hein, se parent des vertus paternelles et maternelles pour corriger. Et donc ce titre est effectivement un clin d'œil à Michel Foucault. Michel Foucault qui avait donc examiné les techniques disciplinaires dans les institutions et qui avait un peu laissé de côté la question des rapports de domination au sein de la famille. Et donc nous, on a voulu faire ce clin d'œil pour montrer que voilà, examiner aussi le continuum entre ces violences domestiques au sein de la famille et la façon dont les institutions reprennent aussi cette image du père de famille, le juge-père, qui doit corriger aussi les enfants. Et donc comment on a une continuité. Une continuité au moment de réfléchir encore à corriger et punir. Emmanuel Chaperon, vous avez écrit « Livre d'école et littérature de jeunesse en France au XVIIIe siècle ». Est-ce qu'il y a une part laissée à l'idée de correction bénéfique dans ces livres d'école ? Oui, parce que tous ces livres, alors à l'intérieur de ces livres d'école ou littérature de jeunesse, il y a cette littérature que j'évoquais tout à l'heure, les Berquinades ou Madame d'Épinay ou Madame de Genlis, etc., qui mettent l'accent à la fois sur la nécessité de la punition, mais sur des formes alternatives de punition qui favorisent la réflexion de l'enfant sur lui-même, qui favorisent d'autres leviers, hein, comme le sentiment de la famille ou des punitions qui jouent sur l'ensemble des consommations matérielles et récréatives que l'on propose aux enfants des élites sociales à la fin du XVIIIe siècle, l'achat de jeux, l'achat de petits spectacles, de petits meubles, de poupées, etc. Et un des leviers punitifs sera de reporter l'achat ou de reporter le don de cet objet convoité par l'enfant. Et toute cette littérature de jeunesse met en scène ces enfants dans le rapport à leurs bêtises, à leurs parents et à leur punition. De sorte que, donc avec un dispositif narratif qui est souvent celui du dialogue. Donc un livre dans lequel on verra interagir des enfants entre eux et avec leurs parents, avec leurs éducateurs. De sorte que lorsque l'enfant lit cet ouvrage avec ses parents, il peut lui aussi être spectateur de ce dialogue et rentrer et en discuter. Et on voit dans les journaux d'éducation, c'est-à-dire toute cette écriture de soi, pour soi, on voit comment les parents ont utilisé le livre de jeunesse pour faire parler les enfants, pour les faire commenter l'attitude d'un tel, est-ce que c'était bien, comment elle aurait dû faire. Voilà. Donc une mise en abîme, hein, on a à l'intérieur du livre des enfants qui discutent avec leur pédagogue, et puis les parents qui pourront se saisir de cela et qui racontent ensuite, dans un troisième temps, dans leur correspondance ou dans leurs journaux, la manière dont ils ont saisi cette littérature comme un instrument d'éducation, pour penser la punition. L'importance du dialogue. Elisabeth Lucet, vous êtes prête ? Parce que vous publiez le dictionnaire du fouet et de la fessée, corriger et punir, aux presses universitaires de France avec Isabelle Poutrin. Vous êtes prête au débat, au dialogue, parce qu'il y en a systématiquement, oui, dès qu'il est question de fessée. Cet ouvrage, il n'a pas été écrit pour des spécialistes, il a été écrit pour tous et aussi pour susciter la discussion. Et elle en a déjà suscité beaucoup entre les membres, les auteurs, le comité scientifique, et on espère qu'il aura un horizon de réception large. Et vous êtes prête à répondre à la question, mais alors qu'est-ce que je fais, moi, parce que il est insupportable une fessée, oh, ça fait jamais de mal, vous savez, ce poncif. Alors nous, on est des historiennes, c'est-à-dire que on montre comment ces discours entre d'un côté le laxisme et d'un côté l'autorité se sont reconfigurés, ont cheminé au cours des siècles, et comment chaque société y a répondu de façon variée. Donc le but, c'est de proposer un outil de réflexion qui vise à ne pas penser que avant on tapait les enfants et ça allait beaucoup mieux et maintenant on ne l'étape plus, ou inversement que le passé était brutal et aujourd'hui il ne faut plus taper les enfants, c'est interdit par la loi. Mais justement le but, c'est de comprendre un petit peu comment les réflexes qui consistent à dire ah bah une bonne gifle ça m'a pas fait de mal, et ben comment ça s'ancre dans une histoire. Exactement, c'est en cela que ce dictionnaire du fouet et de la fessée est passionnant. Merci